Vendredi 7 février 2014, vous écoutez La Vie en BD. À l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée, pour parler 9e art, et avec une émission bien remplie, avec une rencontre, mais une longue, qu'on espère belle rencontre également. Ces rencontres d'éditeurs qu'on vous propose de temps à autre, eh bien, cette semaine, on aura le plaisir de discuter avec l'éditeur, le fondateur des éditions Pow Pow, Luc Bossé. Alors que ce sera dans quelques minutes, il est en studio ici avec nous. Également, au fil de l'émission, on discutera aussi avec Michel Giguère en route vers les prochains rendez-vous de la bande dessinée à la Bibliothèque Gabriel Leroy. Alors, Michel qui se consacre ce mois-ci à la question de la BD américaine, quelques regards sur les États-Unis en BD. Alors, c'est le menu de l'émission d'aujourd'hui. Et avec, évidemment, comme à l'habitude, quelques nouvelles, quelques actualités autour de la planète BD. Et pas des nouvelles très, très heureuses, il faut le dire. Deux décès qui sont arrivés dans les premières semaines de janvier, dans les derniers jours également. Alors, notamment le dessinateur belge de Murena, Philippe Delaby, qui est décédé à l'âge de 53 ans. Donc, dessinateur connu pour la série Murena, connu pour la série Complaint des Landes Perdues, avec le péplum Murena, scénarisé par son ami Jean Dufaux. Il a donné, évidemment, un souffle nouveau à la bande dessinée historique. On parle du côté de l'éditeur d'Argo, de sa passion, de son énergie, de son sens du détail, de son sens du découpage, de la force et des personnages, qui ont fait s'étirer un succès international plébiscité par des milliers de lecteurs et reconnu parmi les plus grands spécialistes de l'Antiquité romaine. Là-dessus, je ferme les guillemets. Delaby, avant Murena, s'était lancé dans la BD avec des illustrations pour le journal de Tintin. Il a dessiné également des courtes histoires didactiques qui étaient scénarisées par Yves Duval. Autre disparition, celle du fondateur de Harakiri et Charlie Hebdo, l'écrivain et dessinateur humoristique François Cavanna, donc il est décédé 29 janvier, donc une journée après Monsieur Delaby, lui à l'âge de 90 ans. Alors, il s'était fait remarquer, comme je le disais, avec Harakiri en 69, Harakiri Hebdo ensuite, qui deviendra donc Charlie Hebdo. Alors, on a dit du côté de la direction de la publication satirique que, j'ouvre les guillemets, c'est le grand prêtre de l'humour qui disparaît. Mais Cavanna n'est pas tout à fait mort puisque Charlie Hebdo, lui, survit. Alors voilà pour ces deux décès. Et sinon, petite mention aussi du festival d'Angoulême auquel j'ai eu le plaisir d'assister d'ailleurs la semaine dernière. On y reviendra de manière plus détaillée la semaine prochaine en compagnie de mon collègue avec qui j'avais le plaisir d'être là-bas, Francis Dernay, auteur BD que vous connaissez peut-être. Alors, on reviendra sur nos coups de cœur et nos coups de gueule autour de l'événement. Donc, ce sera la semaine prochaine. Mais d'ici là, je voulais quand même prendre quelques instants pour vous mentionner, si vous ne l'avez pas encore vu, donc les récompenses qui ont été remises lors de cet événement. Alors, notamment Grand Prix de la ville d'Angoulême 2014 qui couronne un auteur pour l'ensemble de son œuvre qui a été attribué à Bill Watterson, connu évidemment pour sa fameuse série humoristique Calvin et Hobbes, créée en novembre 1985, arrêtée brusquement en décembre 1995. Depuis, on le rappelle, l'Américain âgé de 55 ans est retourné vivre dans l'anonymat. Alors, sera-t-il ou non du festival l'année prochaine? J'ai comme l'impression que non, mais quand même dossier à suivre. Sinon, les autres prix, Fauve du meilleur album qui a été donné au Comé Prima d'Alfred chez Delcourt. La meilleure série, c'est Fuzz et Pluck de Ted Stern chez Cornelius, en version française. Le prix spécial du jury a été donné à la BD israélienne La propriété de Rutu Modan. C'est publié chez Actes Sud. Fauve jeunesse, Carnet de cerises 2, le livre d'Hectare de Joris Chamblain et Aurélie Néret chez Soleil. Fauve révélation, Seco, l'excellent mon ami Damer de Derf Bagderf chez Ça et Là, et le livre de Léviathan de Peter Blegdav chez L'Apocalypse. Fauve patrimoine a été remis à Cowboy Inc. de R. Seal et Kamar Gurka chez Frémoc. Fauve polar à Ma révérence de Rogden et Wilfried Lupano chez Delcourt. Prix du public à Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Ah ben voilà pour ces éléments liés à Angoulême. Et maintenant, ben, on part en musique. L'album qui nous suivra au fil de l'émission cette semaine, c'est d'Analogre, La Source et la Cible. On écoute un premier extrait. Et toujours à l'antenne de CKRL 89.1, je vous rappelle que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Je vous rappelle également que vous pouvez me lire sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Et comme je l'annonçais en début d'émission, donc on porte la majorité de l'émission, on va porter un regard donc sur le travail qui est mené du côté des éditions Pow Pow. Et pour ce faire, eh bien, on a le plaisir d'être en compagnie de son éditeur, de son fondateur, Luc Bossé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors en fait, l'histoire des éditions Pow Pow est quand même assez récente. Ça remonte, je crois, en novembre 2010. Exactement. Avec deux titres assez différents, d'ailleurs, en fait, Apnée et Yves Leroy de la Cruz. Et je m'étais dit à l'époque, et je te demanderais de confirmer quelques années plus tard, est-ce qu'on avait choisi justement de se lancer avec des titres aussi diamétralement opposés pour ne pas se fermer de porte, pour montrer qu'on allait faire un peu de tout, dans le fond, avec ça? Oui, c'est pas nécessairement un choix si conscient que ça, mais j'étais content que ça soit le cas, par exemple, d'avoir deux sujets vraiment totalement opposés, comme tu dis. Ça mettait les balises un peu de, on pouvait jouer entre ces deux thèmes-là, ces deux genres-là, si on veut. Fait que j'étais bien content que ça commence comme ça, en fait. Et en même temps, rapidement aussi, bon, il y avait Sviane avec Apnée, il y a eu Motel Galactique avec Francis Dernay et Pierre Bouchard, donc des noms qui étaient quand même déjà connus du milieu BD, du milieu littéraire. Mm-hmm. Est-ce que c'est important pour la crédibilité aussi d'avoir justement des noms un peu plus reconnus pour démarrer l'entreprise? C'est sûr que si ça avait été seulement le livre que je dessinais avec Alexandre Simard, deux inconnus carrément, ça aurait peut-être pas eu la même portée que d'avoir Sviane avec... nous, dans l'équipe, c'est sûr que Sviane a beaucoup contribué à la crédibilité de Papar, puis de sa raison d'être. Puis d'enchaîner avec les gars de Pierre Bouchard et Francis Dernay, ben, on ne peut pas demander mieux non plus, là. Ça partait en grand, là. Oui, ça partait en grand. Puis en plus, même, je pense que la barre était assez haute parce que, en avril 2011, Apnée gagne des prix au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Je pense le meilleur album prix Ville de Québec. Oui. Il y a eu d'autres récompenses et nominations rapidement aussi pour les albums. Donc j'ai comme l'impression que vous avez mis la barre haute dès le départ, là. Ça partait ses chapeaux de roue, là. Mais tant mieux, là. On peut pas se plaindre de ça, là. Non, effectivement. Après ça, c'est de réussir à rester au niveau, comme on dit. Il y en a pas eu d'autres prix depuis ce temps-là. Et parallèlement, en fait, si tu avais justement quelques jalons marquants à dire autour de Papa, bon, ça fait à peu près quoi, 3 ans et demi que c'est commencé. Ouais. Donc, il y a eu la fondation. Est-ce qu'il y a d'autres moments que tu dirais, ben, OK, ça pour moi, comme éditeur, comme entrepreneur, ça a été majeur, ou comme lecteur? Chaque livre publié renouvelle un peu le plaisir, puis... c'est comme un événement majeur à chaque fois, si tu veux. Je peux pas vraiment préciser un point en particulier, mais c'est le début qui m'a vraiment impressionné, à quel point qu'on a eu une réponse, puis on a été pris, on a été crédible en partant. C'est-à-dire que les médias majeurs en ont parlé un peu déjà en commençant. Et de partir comme ça, ça l'a comme un peu confirmé le choix ou l'idée folle ou naïve de se lancer dans ce projet-là, qui était un peu C'est un peu casse-cou quand même. Là. Et ça sous-entend la question, justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur? D'où est venue cette idée folle? Comment on se réveille un matin en disant, OK, je me lance dans l'édition de bande dessinée indépendante au Québec? Ça n'a pas été si conscient que ça. Il n'y a pas eu un moment que je me suis levé, puis c'est ça qui va se passer. On dirait qu'un jour, je me suis réveillé, puis il y avait une maison d'édition. Au début, moi j'ai commencé comme auteur avec un blog. Je dessinais mes BD sur mon site qui s'appelait BD de Q. C'est Luc à l'envers. Oui, Luc à l'envers. Il y a pas tant de contenu à l'envers. Puis je cherchais les moyens de pouvoir faire de la BD plus à temps plein, puis occuper mon temps, puis de peut-être même laisser tomber mon travail à cette époque-là. Fait que je cherchais des moyens, puis comment que je pourrais m'y prendre, puis de plonger un peu plus dans le milieu de la BD. Je suis embarqué dans un projet de démarrage d'entreprise pour jeunes entrepreneurs, des trucs comme ça. Puis je peux pas dire que quand j'ai embarqué dans ce programme-là, que j'y croyais tant que ça, que ça allait se concrétiser. C'était plus un processus d'exploration. Puis le fait de côtoyer des gens en atelier, je me suis installé en atelier. J'ai suivi les ateliers de Jimmy Beaulieu au début. Fait que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, dont Zviane, Vincent, Michel Mann. Donc j'ai rencontré une petite gang rapidement. Puis après cet atelier-là, dans les mois qui ont suivi, on est parti une gang, puis on s'est loué un atelier. On était 10-12 au début. Fait que tu crées des contacts, tu m'as parlé, puis je commence à parler un peu de mon idée de faire une maison d'édition. Puis là, il y a Zviane qui m'arrive un bonjour avec « Voici, j'ai un projet pour toi ». Fait que là, ça a comme mis le truc un peu plus concret, un peu plus réel. Puis entre-temps, moi, il y avait Alexandre que je l'avais encouragé à m'écrire des scénarios, parce que je trouve que c'est un gars qui écrit extrêmement bien. Puis sur son blog, lui, c'était toujours des histoires qui tournaient un peu autour des filles, puis les rencontres, ces trucs-là. Puis il y avait souvent des anecdotes, c'est pourquoi tu fais pas une histoire avec ça. Fait que les deux projets sont arrivés un peu en même temps, puis là, j'avais comme mes bases pour me lancer dans l'édition. Fait que il y a jamais vraiment eu de moment de « bon, je me lance », ça s'est fait un peu naturellement, puis un peu... c'est... Un peu, en fait, instinctivement. Oui, c'est ça, façon. Exactement. Là. Puis en même temps, j'ai l'impression, je regardais un peu ce que tu faisais aussi avec ton blog, il y avait déjà de l'auto-édition qui était faite, et même à la limite, dans le choix des cartonnés, de la présentation, des éléments esthétiques qui prédataient un peu le style que tu allais donner aux éditions par rapport. Oui, c'est... je me suis fait de la main, je me suis pratiqué... parce que je suis un graphiste de formation, j'ai été directeur artistique dans le milieu de la pub, graphiste dans le monde du web, des trucs comme ça, puis... en tant que graphiste, faire des livres, c'est toujours quelque chose un peu attirant. Puis j'ai toujours eu un peu le goût de faire. Puis c'est pas, il y a pas tant de job de faire des livres. Fait que là, je voyais un peu l'utile à l'agréable de pouvoir explorer des pistes de d'édition, puis comment se distinguer avec le produit fini, si on veut, le livre. Fait que je m'essayais avec mes rapports annuels, mes fanzines. J'essayais des trucs, puis je commençais à prendre contact avec des imprimeurs, puis je me faisais la main un peu, puis quand est venu le temps de part, c'était une suite logique dans l'approche graphique, ça c'est sûr. Là. Et j'imagine en même temps qu'il y a un plaisir aussi à avoir des albums qui intégralement, si tu me permets l'anglicisme, ils fit ensemble, donc ils passent bien ensemble, c'est un peu l'objectif aussi. C'est un objectif que j'y tiens beaucoup, c'était l'esprit de gang. Parce que, je veux dire, la vie en librairie, puis d'occuper de l'espace dans une librairie, c'est pas nécessairement évident. Puis de se faire reconnaître, t'as bien beau faire un logo, puis avoir un nom, c'est pas nécessairement, ça sera pas si frappant que ça. Tandis que d'avoir une approche graphique, les mêmes formats, le même genre de carton, le même graphisme, ça donne un esprit de gang, puis un genre de saut de qualité ou de reconnaissance par rapport à ce que tu fais. Donc, les gens qui lisent quelques livres vont commencer à reconnaître les prochains qui s'en viennent, donc... Si on aimait les premiers, ben ils vont plus les reconnaître quand ils vont arriver en librairie. C'est l'objectif. Là. Ça les fidélise, en fait. Ça les fidélise, puis on s'adresse aux maladifs collectionneurs, les complétistes qui veulent avoir tous les albums. En fait, j'aurais dû numéroter sur la tranche, là, pour pas que la personne, bon, il me manque le numéro 3, puis là, ça le fatigue, il me faut le numéro 3. Et en même temps, ben, au départ, c'était pas mal tout sur carton brun. Éventuellement, en fait, on rajoute des couleurs un peu. Il y en a un en rouge, donc on a décidé d'élargir quand même un peu. Ouais, le rouge, il est encore sur carton brun quand même. Mais le seul qui est pas sur carton brun, c'est celui de Zviane, son dernier, le deuxième. C'est pas, parce que le sujet puis le appelait autre chose que le carton brun, mais le format est resté le même. Mm-hmm. Mais c'est sûr que tranquillement, pas vite, peut-être avoir des transitions. Je vais y aller cas par cas, puis on verra. Même le prochain de Richard Suicide, lui aussi sera pas sur carton brun, mais il va être sur un carton blanc. Il faut se permettre d'évoluer. Ben, il faut se renouveler, puis il faut avancer. Mais j'essaie quand même qu'il y ait une logique, puis une reconnaissance quand même, même si on change l'aspect du carton. Et j'ai l'impression, on parle beaucoup aussi de l'esthétique, justement, des ouvrages, parce que je trouve ça important dans la mesure où j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qui place les éditions par rapport à mi-chemin entre les publications indépendantes, les gros éditeurs, mm-hmm. et le fanzine. Mm-hmm. Parce que en plus donc d'avoir cette ligne claire-là, c'est des albums qui sont sérigraphiés. Mm-hmm. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on voit plutôt du côté du fanzine que du mm-hmm. côté de la grosse édition. Donc encore là, vous êtes un peu à mi-chemin. Oui, puis je trouve ça le fun, cette approche-là aussi. C'est comme, parce que quand c'est le temps de sérigraphier, les auteurs débarquent, puis on est 4-5, puis on sérigraphie 1200 livres, puis ça y va, puis tout ça, puis tout le monde s'implique un peu dans le processus. Ça donne un côté plus humain au projet final aussi, tu sais. Quand on fait quand on en parle sur Internet, soit sur notre site ou sur Facebook ou peu importe, tu mets des photos du processus, de quand on le fait, on dirait que ça humanise tout le projet, puis c'est ce que j'aime beaucoup ça, en fait. Moi, j'étais un gars de gang, fait. Et peut-être aussi, en fait, c'est ce qui fait l'esprit aussi, l'esprit fanzine, dans la mesure où, vous êtes présent au Salon du Livre, aux gros événements BD, etc., mais vous êtes aussi présent aux événements fanzine, bon, ici à Québec, le Salon Nouveau Genre, à Montréal, Exposine et le reste, et j'ai l'impression que c'est l'esprit fanzine sollicite un certain rapprochement aussi, une relation particulière, justement, entre le lecteur et l'éditeur. Oui, puis l'éditeur et les auteurs, parce que souvent, dans ces événements-là, on est 3-4 à notre table, puis là, ça permet de rencontrer les auteurs, les lecteurs versus les auteurs, puis on discute, puis on fait des dédicaces, puis c'est d'avoir du feedback aussi, d'être vraiment plus connecté sur le lecteur, c'est le fun, tu sais. Sinon, t'es chez vous, puis tu regardes tes chiffres, puis c'est tout, là. C'est pas ça l'intérêt, là. À la limite, si on essaie de tourner ça en concept marketing, est-ce qu'on pourrait dire que chez Pawpaw, le lecteur fait aussi partie de la gang, entre guillemets? Oui, absolument. Puis quand on fait un lancement, ça se passe toujours dans un bar, puis on veut que le monde vienne, puis c'est une fête, là, je veux dire. Je me demande même si c'est pas la raison pourquoi on fait de l'édition, c'est le party, là, c'est la gang, je pensais juste ça, là. Et de gang, en fait, on est passé dans ton cas d'auto-édition, justement, qui a amené à ça, mais avant ça, de gang en termes de famille, parce que j'ai lu dans quelques entrevues que les premières armes que t'as fait côté auto-édition, c'était pour ta famille, un truc familial qui était tiré, quoi, à 50 exemplaires? Ouais, je me souviens pas que je t'avais déjà parlé de ça. C'était une revue qui s'appelait Le Familial, qui était distribué aux oncles et aux tantes, aux cousins. Puis j'ai une grosse famille du côté de mes parents, mais fait oui, il y avait un tirage d'une cinquantaine, mais il y a eu quelque chose comme 20 numéros, je m'en souviens plus, puis c'était à toutes les 2-3 mois, Puis là, mes frères et sœurs participaient, on faisait des dessins, je faisais des jeux, des labyrinthes, j'ai même fait des BD là-dedans, je faisais la page couverture. Ma mère participait aussi, elle écrivait les nouvelles de la famille. Fait que je pense que ça remonte à loin, l'édition. J'avais 12 ans peut-être au début. J'avais même un logiciel sur mon Commodore 64 qui s'appelait Newsroom, un logiciel de mise en page. Fait que j'ai commencé comme ça aussi, mais on dirait que j'avais jamais repensé à ça avant quelques années. C'est vrai, ça remonte pas. C'est pas si récent que ça, mon intérêt peut-être à faire de l'édition, là. Non, c'est ça, l'objet livre, l'objet publication, ouais. T'a toujours attiré, dans ouais, le fond. Ouais. Et en même temps, tu mentionnais tout à l'heure, Luc Bossé, que quand les éditions Papa ont été lancées en novembre 2010, rapidement, il y a eu une attention médiatique pour les deux premiers titres, il y a eu un intérêt. Est-ce que tu as l'impression d'être venu remplir un vide, à ce moment-là, du moins? Ben, peut-être, parce que ce que j'ai senti rapidement, c'est que les journalistes avaient le goût de parler de bande dessinée québécoise. Puis je me rappelle quand j'ai envoyé les livres avec les communiqués de presse, j'ai reçu des téléphones dans la même semaine, puis déjà des questions par rapport à la maison d'édition, c'est quoi vos projets, puis je savais même pas là, qu'est-ce qui s'en venait. Je pense que Motel Galactique n'existait même pas encore à ce moment-là, je suis plus trop sûr. Puis c'était quoi les plans, puis j'ai dit « oh boy, ok, ça va vite, là ». Fait que La gang à qui j'étais en atelier riait un peu de moi quand je disais, j'avais déjà dit à un journaliste que l'offre ne répondait pas à la demande, mais je le disais en tant que lecteur aussi, parce que je veux dire, j'ai commencé à lire de la BD du Mécanique Générale de la Pastèque, puis j'étais un fan de bande dessinée québécoise. Donc, en tant qu'acheteur puis lecteur, j'en avais pas assez. Fait que je me disais, peut-être qu'il y a une place à occuper, peut-être qu'il en manque un peu. Puis, on dirait que cette réponse-là me donnait un peu raison, je pense. Oui, parce qu'à l'époque, en fin 2010, il y avait la pastèque qui était là, qui était forte, évidemment. Mm-hmm. Mais hors de la pastèque, bon, c'était l'édition européenne, que ce soit des auteurs d'ici, d'ici là-bas, ouais. Des auteurs de là-bas qu'on distribuait ici. Mais sinon, après ça, on tombait plutôt du côté d'autopublication, bon, de belle envergure dans certains mm-hmm. cas, mais ça restait de l'autopublication. Donc, on dirait qu'il n'y avait rien d'intermédiaire. Si ouais, puis... tu sais, le fait de côtoyer plein de gens qui faisaient la bande dessinée, il y avait comme beaucoup d'auteurs potentiels. Je veux dire, c'est bien beau faire une maison d'édition, mais si t'as pas d'auteurs à publier, t'es pas plus avancé, là. Mais il y avait quand même, il y avait du monde, là, qui avait le goût de faire de la BD, puis de la bonne BD, du bon stock. Fait que, tu sais, faut aussi bien avoir une plateforme et essayer d'organiser quelque chose, là. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, quoi, 3 ans et demi plus tard, donc l'écosystème, la BD indépendante québécoise qui a complètement changé. Donc, vous étiez à peu près le seul éditeur, outre la Pastèque, donc, côté indépendant. Et là, aujourd'hui, ben, il y a La Mauvaise Tête, il y a Mécanique Générale qui est revenu, il y a Lunac qui s'est lancé aussi en édition, entre autres. Donc, j'imagine que si vous étiez lancé aujourd'hui, le contexte aurait été très différent en 2010. Donc, impression que, à la limite, que l'expérience par rapport a prouvé que c'était possible de survivre, de maintenir, de grandir? Oui, mais même pour La Mauvaise Tête, ça a fait quand même assez en parallèle, même si leur départ était plus lent. Le bouillonnement initial était pas mal en même temps que nous. On était dans le même atelier, je les voyais aller, puis on se parlait, puis on s'échangeait de l'information. Je veux dire, c'était encore là, la gang, elle se limite pas juste à part-part. Là, je veux dire, c'est large. Là. Fait que c'est on a peut-être été les premiers dans cette vague là à publier, mais je veux dire, je savais qu'il y avait déjà quelque chose qui s'en venait. Il y avait Froid aussi qui était des alentours. Fait qu'il y avait quelque chose qui couvait plus large. Exact, là, je veux dire, si ça avait pas été par rapport, ça aurait été d'autres choses. Il fallait qu'il y en ait un autre éditeur, d'autres éditeurs. Ouais. Et au-delà du lancement, le défi alternatif, une fois qu'on a réussi à commencer, ben c'est réussi à continuer. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus facile après 3 ans et demi de relever ce défi-là, ou c'est constamment renouvelé à chaque publication? Je t'avoue qu'au début, ça m'inquiétait. Je me disais, tu sais, il va savoir assez de livres, de projets potentiels intéressants pour avoir une régularité de publication. Donc, au début, ça m'inquiétait. Mais là, présentement, je suis un peu moins inquiet parce que j'en ai déjà peut-être une 10-12 en chantier. C'est pas dans les 6 prochains mois, mais je veux dire, il y en a peut-être pour 1 an et demi, 2 ans. Là. Fait que, tu sais, de temps en temps, il y en a qui s'ajoutent. Puis, il y a toujours des surprises aussi, des projets qui sortent du champ gauche. Fait que... Côté lecteur, ça tient. Côté auteur, ça tient la route. Côté lecteur aussi. Je pense que oui. On a toujours fait des blagues avec ça, de l'espèce de printemps de la BD ou l'âge d'or. Je sais pas où ce qu'on est rendu, mais il y a certainement plus de lecteurs qu'avant, j'ai l'impression. Mais la Pastèque a fait un gros bout de chemin là-dedans. La série Paul a vraiment aidé à ouvrir des portes. Je pense que de plus en plus de lecteurs, bien, Guy Delisle aussi, ça a aidé. Je veux dire, fait que les gens, il y a une crédibilité qui apparaît par rapport à la bande dessinée. L'espèce de préjugé qui était de la bande dessinée, c'est pour les enfants, est un peu plus moins présent, disparaît tranquillement. Il y a des émissions de radio littéraire ou de télé qui amènent la BD dans leurs émissions. C'est pas juste du roman ou de la poésie. Maintenant, il y a de la BD. Quand il y avait l'émission de Radio-Canada, il y avait les 10 auteurs prometteurs. dans les 10, il y avait des auteurs de BD. Fait que, je veux dire, ça change, puis j'imagine que les lecteurs doivent suivre. Mais en fait, ça le prouve aussi, j'imagine, dans certains cas, de votre côté vente, par exemple. On pense au deuxième de Svian. Ouais. Ça avait été annoncé, je pense, fin novembre, quelques semaines après le lancement, qu'il fallait déjà aller en deuxième édition. Ouais. Donc, au-dessus, qui est quand même plusieurs centaines de copies écoulées. Je vais être transparent. On a fait le premier tirage initial, c'était 1500. Puis, c'est comme tu dis, après 2 mois, il a fallu en réimprimer d'autres. Là. Donc, c'est bon signe. J'ai réimprimé 15 000. Non. Éventuellement, peut-être, on va se rendre là. J'ai l'impression qu'il y a des titres qui sont bons au sprint, puis il y a d'autres titres aussi, des fois, qui sont bons au marathon. Celui qui est bon au marathon, présentement, c'est « Villiers misérables » de Samuel Quentin. Je veux dire, on dirait que le Boucharet fait vraiment... Mais quoi que le meilleur marathonien, c'est « Mylène » de Michel Hellman. Lui, ça lâche pas, mais j'ai l'impression que le titre, il y est pour beaucoup. Là. Et en parallèle, développement au Québec, est-ce qu'on cherche aussi à avoir du côté européen? Parce que c'est quand même le gros marché. Oui, tranquillement, pas vite. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que Papa a atteint son apogée. Il a saturé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis, je veux dire, ça prend quand même des reins solides pour traverser l'Atlantique. Puis la situation en Europe, ils ont leurs défis, eux autres aussi. Je veux dire, il y a tellement de c'est quoi, c'est 5000 nouveautés par année, c'est 100 par semaine. Le temps de tablette de vie en librairie est très, très court. Donc, t'arrives avec ton petit projet, t'es pas connu pantoute. Mais, malgré ça, je vais en Belgique dans une semaine pour la foire de Bruxelles. Puis, je vais rencontrer un distributeur français. Je commence à penser à ça. Puis, je regarde pour éventuellement traverser. C'est intéressant pour les auteurs aussi de pouvoir être distribué en France. Donc, surtout qu'il y en a déjà quelques-uns. Enfin, on revient à Svian, mais qui est déjà aussi distribué chez Delcourt, je pense. Donc, il y a quand même déjà un certain capital de connaissances de ce côté-là aussi. Ben Francis aussi. Oui, effectivement. Ouais. Et parallèlement, ben en fait, j'imagine que c'est aussi le défi, dans le fond, c'est de trouver sa place au départ, puis après ça, de la développer, puis justement d'essayer d'analyser jusqu'où le potentiel peut aller, et par quels moyens on peut se rendre à ce potentiel-là au niveau promotion, diffusion, etc. Et j'imagine que déjà, dès le départ, c'était de se retrouver en librairie, de bien se retrouver en librairie, qui était le premier challenge. Oui, puis ça, c'est de mieux en mieux. Au début, c'était peut-être plus difficile, mais maintenant, je fais le tour des librairies, puis on a des places de choix, là, des présentoirs, des trucs comme ça, là. C'est bien content. Et Luc Bossé, évidemment, tu restes avec nous. On va prendre une courte pause et au retour, on va se lancer un peu justement sur les questions de direction artistique. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe l'accompagnement avec les auteurs? Donc, tout le côté artistique lié à la publication des livres chez Pow Pow. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, arts électroniques, installations robotiques, sonores et interactives, cabarets multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 17 mars 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, bleu contre orange. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. La Corrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. Les houblons dorés d'une bière La Corrigane, un arôme et un goût céleste. Une expérience sensorielle totalement émouvante. Corrigane, je t'aime. La Corrigane, 380 rue Dorchester, Québec. Pour la Saint-Valentin, offrez-vous pas un, mais deux gâteaux. Procurez-vous le duo de l'amour de la Fournée Bio. Un cœur à la mousse de chocolat noir ou au lait et un cœur à la framboise, un authentique bonheur à déguster en amoureux. Et chez Pure Passion Chocolatée, tombez sous le charme des boîtes faites de chocolat en forme de cœur avec un choix de chocolat assorti à l'intérieur. La Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée sous un même toit au 1296, coin de la 3e avenue et de la 13e rue à Limoilou. 418-522-4441. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec. 1355, 3e avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, en vous rappelant que vous pouvez réécouter les émissions qu'on vous propose via Balado Diffusion. Vous trouvez toutes les émissions depuis notre toute première sur lavieenbd.wordpress.com. J'en profite également pour vous signaler que jeudi prochain, à 18h, il y aura projection d'un film d'animation à l'occasion du 15e Mois Multi. Ce sera dans le hall de la coopérative Méduse, donc dans les fenêtres. Un film qui s'appelle Mardi d'occasion de Francis Sarguin et Marie-France Tremblay. Alors, une vidéo d'animation qui consiste en une suite de petites séquences animées où l'on voit évoluer des objets simples et des personnages exécutant des gestes journaliers. Une trame quotidienne ponctuée d'événements étranges, poétiques, drôles, invraisemblables, voire fantastiques. On a quelques détails là-dessus d'ailleurs sur le blog de l'émission. Et évidemment, on est toujours en compagnie de Luc Bossé, donc l'éditeur, le fondateur des éditions Pow Pow, qui est avec nous en studio. Et justement, on se lançait tout à l'heure la question de la direction artistique. Alors, de manière générale, Luc, qu'est-ce qui fait pour toi peut-être la qualité d'une bonne BD, d'une BD que t'aimerais intégrer dans le catalogue des éditions Pow-Pow? Tu parles de point de vue visuel ou contenu? À tout point de vue. Tu tombes dans un sujet que j'ai vraiment de la difficulté à parler parce que c'est pas si clair que ça. C'est difficile à mettre de mettre des mots là-dessus. Évidemment, quand je me fais proposer un projet, je suis le premier lecteur, donc faut que ça me plaise. L'histoire, faut que j'embarque, faut que ça m'intéresse. Le visuel, le style de dessin, j'aime les trucs qui sont un peu plus. Mais mon Dieu, un peu plus éclaté, un peu plus surprenant, carré, Serré que ça. Il y a quand même un truc un peu plus pas organique, mais un peu plus lousse. C'est pas un ancrage comme Tintin, là. C'est pas précis. Il y a une espèce de côté plus vivant dans le dessin, un peu plus de. Je cherche un mot là qui est il y a artisanal qui ouais, me vient peut-être artisanal mais c'est pas exactement non, ça non. Là, c'est je sais pas c'est quelque chose de vivant là c'est je dirais pas jusqu'au point de c'est la première esquisse puis c'est ça qui passe là mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans ça. À la limite sentir le style de l'auteur sentir que la personnalité de l'auteur ouais parce que pour moi le dessin c'est une forme d'écriture tu dessines une bande dessinée le dessin c'est de l'écriture donc le style de calligraphie probablement je suis difficile sur la calligraphie ou le texte et puis tout est l'émotion que tu peux passer dans ton style de dessin dans ton écriture ça fait partie de l'histoire je trouve c'est pas tous les styles de dessin qui vont coller à un genre d'histoire donc quand le dessin sert bien l'histoire puis il dégage une émotion par rapport à ça c'est quelque chose de gagnant. Après ça quand c'est le temps de plus produire l'objet ou pour moi, au début, j'ai réfléchi beaucoup au format, c'est-à-dire, va-tu être trop gros, trop petit, comment tu le tiens dans tes mains, c'est des détails auxquels j'ai pensé puis j'ai réfléchi. Puis c'est drôle parce qu'après ça, les gens m'en ont parlé, hein, j'aime le format, je peux l'amener avec moi, ça rentre dans le sac, je le lis dans le métro, dans l'autobus. Ça fait partie de l'expérience aussi. J'ai mis des rabats pour qu'ils soient un peu plus solides, donc c'est tous des petits détails qui faisaient partie de l'exploration puis de l'expérience. Puis en même temps, dans le choix d'auteur, on sent... moi, j'ai l'impression que t'aimes avoir une relation sur plus d'un album avec un auteur avec qui tu décides de travailler. Absolument. Parce qu'il y a une écurie par rapport qui se forme, dans le fond, au fil des années. C'est pas nécessairement... Puis c'est pas de l'exclusivité non plus que je recherche avec ces auteurs-là, parce que je trouve ça intéressant que les auteurs se promènent de maison d'édition à maison d'édition. Tout le monde est gagnant là-dedans. Tu fais comme ça, mais c'est sûr que les gens qui font partie de l'écurie, si on peut dire comme ça... Premièrement, faut ça des personnalités avec qui j'aime travailler. C'est important. En commençant, là, la personne a bien beau être bon ou bonne. Si je m'entends pas bien, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser parce que tu vas travailler beaucoup avec la personne. Tu communiques avec elle. S'il n'y a pas un bon fit puis une bonne entente, une bonne communication, ça vaut pas la peine. J'ai pas assez de temps pour passer beaucoup de temps sur un projet. Là. Donc, faut que ça clique. Ouais. En tant que lecteur, faut que ça clique côté personnalité. Ouais. Puis après ça, faut que l'éditeur puisse se dire, est-ce que je vais être capable de mettre en marché ce livre-là? Donc, s'il y a un potentiel, est-ce qu'il y a d'autres lecteurs que moi qui vont vouloir le lire? Oui, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau. Je peux pas flasher sur une histoire puis en vendre 58, là, puis d'en avoir 1200 que ça dans l'entrepôt. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis ça, c'est plus difficile à juger. Je veux dire, tu y vas à ton instinct, puis j'ai pas tant d'expérience que ça non plus. C'est une histoire que les gens, ça va les intéresser. Mais je le fais lire quand même autour de moi. J'en parle aux auteurs aussi. Et en même temps, j'ai l'impression que t'as pas peur justement non plus d'aller vers des trucs éclatés. On pense à Phobie des moments seuls de Samuel Quentin. Ça répond pas nécessairement aux critères BD chez certains. C'est un humour qui est assez absurde aussi, qui est assez particulier. Motel Galactique, c'était assez particulier aussi au départ. C'était hors norme. Ouais. Tu choisis de risquer aussi de proposer justement des éléments qui correspondent pas aux définitions claires, à un cadre clair de ce qu'est une BD. Effectivement, puis là, c'était peut-être un peu plus osé, mais ça me faisait tellement rire, ces projets-là, que je dois pas être le seul à... Je serais pas le seul à trouver ça drôle. En tout cas, je pense pas que je suis si particulier que ça, mais... Fait que, puis son blog, parce que ça commençait avec un blog, là, celui de Samuel. Puis je sais qu'il y avait des gens qui lisaient puis qui aimaient ça, mais j'étais très conscient que ça allait pas plaire à tout le monde. Puis, il y a pas de cases, il y a trop de texte, il y a pas assez de dessins, t'as des commentaires, parce que c'est pas vraiment une BD, là. C'est un livre illustré plus, en fait, là. Mais le format répond bien au... Tu sais, ça peut pas être autrement. C'est un journal de bord. Fait que c'est des entrées dans un journal avec un dessin puis un texte du point de vue du personnage. Donc, ça pouvait pas être une BD, tu sais. Oui, puis en même temps, on en revient un peu à ce qu'on se disait dès le départ de l'entretien, dans la mesure où, si on veut faire un peu dans l'éclaté, on veut pas se limiter à un style, mais ça sous-entend style visuel, mais style narratif aussi. Faut que la narration serve la bande dessinée, serve le récit qu'on veut conter. Ben oui, absolument. Puis dans ce cas-là, c'était très pertinent de la manière qu'il l'a fait. Là. Oui. Puis en même temps, mais d'autres albums, on parlait des deuxièmes tout à l'heure, ben là, on va vers quelque chose d'un peu plus osé. On va vers des trucs plus absurdes dans d'autres projets, vers des trucs plus standards, plus traditionnels dans d'autres. Donc, encore là, la variété domine. Oui, puis quand tu disais tantôt de choisir des auteurs que tu as le goût de travailler à long terme, Phobie, c'était ça. Là. Sam, il y a plein de projets dans la tête, cet enfant-là. Fait que de commencer avec Phobie, puis tu sais qu'il va en faire un autre, puis c'est sûr qu'il va finir par se faire connaître un peu plus. Donc les gens, depuis que son deuxième est sorti, ben là, les gens se retournent vers son Phobie, puis là il continue à y avoir des ventes puis des nouveaux lecteurs. Fait que c'est pas juste un projet puis on l'essaie puis là tu l'oublies. Tu continues à travailler puis à y croire sur le long terme à ce projet-là. Et tu parlais d'accompagnement aussi en tant qu'éditeur, donc un peu comme premier lecteur, comme opinion. Est-ce que la dynamique aussi est différente quand on parle d'adapter un blog, comme le cas de Samuel Quentin, comme le cas de Sophie Bédard aussi, où c'est des trucs qui avaient déjà été publiés sur le web que de choisir de publier papier? Donc, comment ça se passe un peu l'accompagnement pour l'adaptation? Celui de Samuel, c'était plus compliqué que celui de Sophie. Sophie, elle pensait déjà en format livre, elle faisait des pages. Sam, lui, il commençait, il fait un dessin, il écrit, puis il écrit aussi longtemps qu'il a besoin d'écrire pour cette entrée-là. Fait que ça faisait un format un peu... Puis on a vraiment travaillé fort pour remettre ça en page. Il a fallu qu'il avait quasiment fait la moitié sur son blog avant de dire, OK, ça va faire un livre. Parce qu'une fois que tu sais que ça fait un livre, ben là, tu t'adaptes un peu, puis tu y penses un peu plus d'avance. Mais les premières pages, il a réécrit, je pense, toutes les premières pages au complet. Il y a beaucoup de texte, là, fait que ça a été vraiment long. Là. Fait que c'était pas la partie la plus plaisante, mais il a fallu le faire. Mais ça a été plus laborieux. Mais Sophie, ça a été, ça c'était un peu plus facile. parce qu'elle pensait déjà en termes de pages, puis c'était plus classique comme approche. Mais. Et parallèlement, il y a toi aussi, Luc Bossé, en tant qu'auteur, qui a été adapté par l'éditeur Luc Bossé. Il y a d'autres titres de l'auteur qui vont être édités aussi. Comment ça se passe un peu la dynamique entre toi éditeur, toi auteur, versus justement les autres auteurs? Pour Yves Leroy de la Crouse, premièrement, j'étais pas tout seul sur le projet, j'avais un scénariste, donc moi je faisais le découpage, le dessin. C'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure approche d'être son propre éditeur, j'imagine, mais je sortais de l'auto-édition. Pour moi, c'était je faisais encore de l'auto-édition à ce moment-là, si on veut, là. Ça a-tu donné quelque chose de bon, je sais pas. Mais je t'avouais que le prochain projet, là, j'arrête de dessiner la suite de ce livre-là de Yves Leroy de la Crouse. Puis j'ai d'autres projets en tête, mais je pense que mon prochain projet, après Yves, ça va être. Je vais demander à quelqu'un, je pense, de l'extérieur, pour un peu m'accompagner, pour avoir un regard extérieur, parce que sinon, je peux me perdre là-dedans, puis penser que c'est bon, puis ça ne l'est pas. Puis... Oui, parce que c'est nécessaire. Ce regard-là est nécessaire pour l'auteur. Et ce que tu fais, ce qu'on pourrait dire un peu accompagnateur, observateur, motivateur aussi, mais t'en as besoin aussi de toi en tant qu'auteur. C'est sûr. Parce que j'ai l'impression, surtout motivateur, des fois. Je te dirais que c'est beaucoup de ça avec les auteurs, parce que c'est pas l'argent qui motive les auteurs, on s'entend. Il y a personne qui roule sur l'or dans cette gang-là. Donc, c'est plus une espèce d'encadrement, puis de d'accompagnement, puis de motivation, puis de suivi, puis de tape dans le dos. Puis, c'est important, là, quand même. C'est le fun aussi. Là, c'est pas, je le fais pas... à contre-cœur, là, j'aime ça faire ça, j'aime ça participer puis voir le projet évoluer, là, c'est trippant au bout, là. Oui, puis en même temps, ça permet justement de le recentrer, de le recalibrer ou de le valider rapidement, de pas se retrouver devant un fait accompli, puis après ça, d'être obligé de redessiner à moitié de la BD. Non, c'est sûr. Mais en même temps, les auteurs qui sont là présentement sont assez autonomes quand même, tu sais, Sviane, elle sait où ce qu'elle s'en va, là, t'as pas besoin de vraiment, tu sais, des fois, elle a besoin de plus des trucs plus ponctuels. T'as-tu compris ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu comprends dans cette page-là? Le dessin, est-tu clair? Des trucs comme ça. Mais sinon, elle est assez indépendante, assez ce qu'elle fait. Puis la plupart sont un peu comme ça. C'est plus des détails, là, de réaligner. Mais pas tant que ça. Là, c'est sont vraiment pros. Et parallèlement, on l'a vu depuis 3 ans et demi, quand même, Papa a eu un bon rythme d'édition. Je pense rapidement, le catalogue s'est construit. Ouais. Est-ce que on s'est donné un minimum, enfin, on veut faire minimalement, mettons, 4 BD par année, 5 BD par année? Non, j'ai pas de nombre à atteindre. Je me suis pas donné de ces contraintes-là parce que j'aurais trop peur de faire un projet que je regrette. Si, mettons, je dis, j'en veux en faire 4, puis t'en as juste 3, puis t'en ramasses un sur le bord juste pour en avoir 4. Je trouve ça impertinent, mais à date, ça a toujours été, un projet est prêt, est imprimé. Fait que s'il y en avait 8 cette année, ben les 8 seraient imprimés. Mais je les prends comme ils arrivent, quand ils sont prêts, puis c'est tout à fait naturellement. Là, c'est pas... Il n'y a pas de pression qui est mise sur les auteurs, puis ils vont leur rythme. Puis... Oui, puis en même temps, ça permet aussi de les espacer un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une stratégie qui est récurrente, que vous t'élances pas mal en paire, en fait, pendant les événements, festivals, salons. Je pense que c'est un peu un hasard, mais c'est sûr que les lancer en paire, ou même il y a eu un triple lancement à un moment donné, ça coûte moins cher aussi, chez l'imprimeur, parce que tu as des meilleurs prix, parce que tu en imprimes plus. Tu sauves sur le transport, puis des fois faire un lancement, un double lancement, ben le lectorat d'un attire le lectorat de l'autre, puis tu fais découvrir ça se mélange un peu, puis tu ratisses un peu plus large, puis ça fait un peu partie de la stratégie quand c'est possible, je dirais. Tu sais, des fois, comme le prochain, il va être tout seul, puis de toute façon, c'est un gros, fait que c'est correct, là. Et justement, qu'est-ce qui s'en vient un peu, mettons, si tu parlais d'une douzaine de projets sur les planches, qu'est-ce qu'on espère peut-être dans la prochaine année? Ben, la plupart des auteurs travaillent déjà tous sur un autre projet. Le prochain projet, c'est avec un nouvel auteur chez Papa, c'est Richard Suicide. Oui. Non, Richard Suicide. Après ça, Sophie va conclure sa série de Glorieux Printemps avec le 4e tome. Deux autres nouveaux auteurs, il y a Caton et Alexandre Fontaine-Rousseau, qui sont connus pour d'autres projets chez La Mauvaise Tête et La Pastèque, qui font un livre ensemble qui va s'appeler Les Cousines Vampires. Il y a un gars qui s'appelle Blanc qui va faire un livre qui s'appelle 23h72. Sam travaille sur un autre livre. Michel Mann travaille sur un autre livre. J'en oublie. Pascal va faire un petit livre de croquis un peu, Pascal Girard. Francis travaille sur un autre projet de scénarisation, Pac-Pierre cette fois-ci avec Valérie Morancy. Donc il y a pas mal de choses en marche. Ouais. La question c'est de voir dans quel ordre ils vont arriver, c'est dans ça, quelle échéance. Exact. Je peux pas donner de date aujourd'hui là. C'est sûr qu'il va en avoir d'ici la fin de l'année. Je dis 2, 3, 4 peut-être encore d'ici Noël. Là. Donc on garde le rythme quand même. Ouais, ok. Je pense que oui. 4-5 par année, je pense, ça me semble plausible et possible. Et donc, on est à 3 ans et demi d'existence. Où on aimerait être peut-être dans 3 ans et demi? Un peu d'avoir à rester dans le plateau, sécuriser nos acquis ou d'avoir commencé à grandir? Ça serait le fun d'être en France, d'être en Europe, en Belgique. Ça serait le fun d'avoir encore des nouveaux auteurs. J'ai pas tant de vision à long terme. Là. C'est dur de prévoir ce qui va se passer. On sait jamais. Toutes les librairies vont peut-être fermer. Hein, on sait pas. C'est dur, là. Mais en fait, on vous souhaite évidemment que du bon. Et si les gens veulent voir un peu le catalogue, il y a toujours évidemment librairie, mais aussi sur le web, éditionpowpow.com. Oui. Et à partir de là, toute la nébuleuse Powpow se trouve, oui. Médias sociaux et le reste. Donc, oui. On invite les gens à aller y faire un tour. Donc, éditionpowpow.com. Et on te revoit évidemment à Québec au oui. Festival de la bande dessinée début avril. Merci. Mais Luc Bossé, fondateur, éditeur donc des éditions Powpow, merci. Et merci à toi. Et à la prochaine. Bye. Et nous, on repart avec un petit extrait musical et au retour, on parle BD américaine. Et voilà, on vient d'entendre un extrait donc de Analogue, la source et la cible. Cet extrait-là s'appelait Misanthrope. Et maintenant, on passe à l'univers de la bande dessinée américaine. Notre collaborateur grippé, mais proactif dans sa recherche, comme à l'habitude, est avec nous au bout du fil. Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond, j'ai cru préférable de pas contaminer les micros du studio. et Michel, comme à l'habitude, on se voit quelques jours, on échange quelques jours avant les rendez-vous de la bande dessinée. Et s'il est avec nous, c'est parce qu'il y en a un mercredi prochain, donc toujours gratuit, 19h, Bibliothèque Gabriel-Leroy. Et ce mois-ci, ta présentation est sous le titre « Quelques chefs-d'œuvre américains ». Si on va voir sur le site des bibliothèques, on découvre que le titre est très parlant. On va parler de BD américaine. Et ça va être l'occasion, j'ai l'impression, c'est de voir que, justement, la BD américaine, c'est beaucoup plus que Garfield, Archie et les comics, les super-héros. Oui, d'ailleurs, je lance une invitation toute spéciale aux gens qui s'intéressent à la bande dessinée en général, mais qui se reconnaissent un petit peu dans ce que tu viens de dire, à savoir que ils ont l'impression que ça se limite à pas grand-chose. Et un de mes objectifs, c'est de vraiment pulvériser les préjugés. Un autre, de donner le goût au public qui sera là d'élargir leurs horizons de lecture. Et ben, pour ce faire, ben, comme d'habitude, je vais leur présenter sur grand écran une sélection des meilleures œuvres de la BD produite aux États-Unis. Et évidemment, dans ce cas-ci, Michel, qui dit sélection, dit choix. Donc, tu as retenu certains titres, certaines séries, tu en as écarté d'autres. J'imagine que tu t'es laissé ou t'es donné le luxe de faire un choix, une présentation un peu plus subjective. Écoute, c'est vrai. Et puis, je revendique cette subjectivité-là parce que une de mes priorités, c'est de promouvoir des œuvres qui m'ont accroché et de le faire avec enthousiasme pour le bénéfice des gens dans la salle à commencer. Hein. Et pour ce faire, ben il faut que je parle de ce que j'aime. Sauf que il reste en termes de critique, il y a des élans subjectifs, oui, mais à ça se mêle aussi du jugement, des critères formels, puis des considérations historiques aussi, si bien que mes choix, sauf exception, finalement, rejoignent les listes que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet ou dans des ouvrages sur la bande dessinée américaine. Et tout à l'heure, justement, tu as mentionné considérations historiques. Ouais, je veux dire par là, évaluer une œuvre en fonction du contexte, en fonction de la mouvance dans laquelle elle s'est inscrite. Garde, à prime abord, là, durant la conception de ma présentation, j'avais écarté l'idée d'embrasser la BD américaine dans son entier, parce que je voulais pas crouler sous le travail, là, et je voulais pas couvrir toutes les époques, tous les supports, parce que la bande dessinée américaine, son développement est très lié aux trois supports principaux que sont les journaux, les fascicules qu'on appelle les comic books et les albums, et puis aussi tous les genres au sens où on va dire des genres littéraires, là. Mais à un moment donné, assez tôt dans ma préparation, j'ai réalisé que, honnêtement, là, je peux pas parler, par exemple, des Watchmen, qui est un petit peu le crépuscule des super-héros, sans d'abord brosser le tableau général des super-héros. De la même manière que je peux pas escompter les préjugés des lecteurs de BD franco-belge, par exemple, sans leur faire mesurer à quel point la BD franco-belge est redevable à l'âge d'or de la BD américaine. Et partant de là, si je parle de l'âge d'or de la BD américaine, ben, je peux pas non plus expliquer que c'est la crise économique des années 30 qui a favorisé l'émergence du dessin réaliste et de toute cette série d'aventuriers et de justiciers, à commencer par Tarzan, qui était le premier. Et parlant des comics sous forme de comic strip dans les journaux, eh ben pourquoi en anglais aux États-Unis on les appelle les comics? C'est parce que jusqu'en 1929, jusqu'à Tarzan donc, ben la BD américaine se déclinait exclusivement sous forme caricaturale et humoristique. Et je peux pas, parlant de ce qu'on appelait au Québec ici les petits comics dans les journaux, je peux pas par exemple, vanter l'audace d'un Schulz, le créateur de Peanuts, ou Snoopy, si vous préférez, ou le génie de Bill Watterson, qui est le père de Calvin et Hobbes, sans parler de leurs précurseurs, les Little Nemo et autres Crazy Cat de ce monde. Et je peux pas non plus présenter les Freak Brothers de Shelton en omettant de parler de Popeye, ou faire l'éloge de Mouse, sans inscrire l'apport de Spiegelman dans la mouvance underground, et puis, conséquemment, parler de Robert Crumb et de la contre-culture des années 60-70. Donc, résultat, on se retrouve finalement à parler d'un peu tout ça. Ben, oui, parce que je trouvais ça trop important de situer chacun des chefs-d'œuvre en question dans son époque, dans son contexte, son genre. Et, en fait, je déplore un peu l'amnésie culturelle puis la tendance à présenter des créations majeures comme si leurs auteurs sortaient de nulle part pour réinventer la roue. Là. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé en 2014 là, de lire du Milton Caniff, mais rendons-lui justice au moins en parlant et en reconnaissant son apport à la BD actuelle. Et je me réjouis à l'idée qu'un lecteur qui aurait trippé sur Frank Miller au cours des 20 dernières années sache l'admiration que Frank Miller voue à Will Eisner qui éventuellement, puis ce lecteur-là là, qui découvre de ce fait le Spirit ou encore les récits intimistes de Will Eisner qui, en passant, est celui qui a lancé le terme graphic novel. Et à t'écouter, Michel, parce que je rappelle, si on met la table autour des rendez-vous de la BD, c'est des rencontres de 2 heures, quoi, à peu près, et on se demande comment on arrive justement à synthétiser, à parler, à offrir tout ça en 2 heures. C'est parce que j'y arrive pas, vraiment. J'ai programmé ce thème-là une première fois il y a une couple d'années avec le projet de présenter 10 chefs-d'œuvre dans leur contexte. Et j'ai évidemment manqué de temps. Cette fois-ci, je vais présenter les derniers de ces 10 chefs-d'œuvre-là dont j'avais pas eu le temps de parler, en y ajoutant des titres qui ont été publiés entre-temps, mais je vais, par ailleurs, en début de présentation, parcourir à toute vitesse le contenu de la soirée initiale. Ça va, je pense, constituer un bref résumé pour les membres de l'assistance qui l'ont raté la première fois et une tout aussi brève récapitulation pour ceux qui y étaient. Et évidemment, on aime un peu des exclusivités. Il reste ou une mise en bouche un peu plus complexe. Est-ce que tu as quelques titres que tu veux nous proposer dans justement ton top 10 de la BD américaine? Ah non, non, non. Pas question que je brûle le suspense. Moi qui aime tant les histoires, là, si tu savais à quel point c'est important pour moi, le suspense, c'est indispensable même dans mes rencontres. Là. Et puis, tu sais par ailleurs que les participants, quand ils viennent à la soirée, ont la possibilité de feuilleter et d'emprunter tous les albums dont je parle, albums que je déploie sur toute une série de grandes tables. Eh bien, sache que très souvent, je recouvre ces albums-là de grands draps pour les cacher à la vue des gens et je retire les draps seulement à la fin de la soirée pour pas brûler mes punchs, là. Et puis, parlant de punch, ben, à la fin de chaque soirée aussi, je leur fais connaître le titre d'un album que je fais tirer, Gracieuseté de la librairie Pantoute. Et en passant, je suis particulièrement jaloux de celui que je vais faire tirer mercredi soir. Évidemment, t'es jaloux parce que tu peux pas participer au tirage. Et de mon côté, mais je vais quand même te relancer. Est-ce que bon, tu peux pas nous révéler le titre de l'album à faire tirer, mais peut-être un ou deux titres là, juste pour. Ben écoutez, regarde, je vais lâcher deux noms vraiment. C'est en quelque sorte les champions de la soirée parce que ils vont avoir chacun deux chefs-d'œuvre dont je vais parler plus longuement là. David Mazzucchelli et Craig Thompson. Et en 30-40 secondes à peu près, Michel, qu'est-ce qui fait que ces deux auteurs-là, pour toi, t'ont touché? Qu'est-ce qu'on va en découvrir peut-être justement mercredi? Ma foi, Dave Mazzucchelli est tellement représentatif. Et on revient au début de notre entretien tantôt par rapport aux préjugés pour les gens qui pensent que la BD américaine, ça se limite aux super-héros. Il a commencé par faire du super-héros. Oui, parce qu'à une certaine époque, c'est vrai que la bande dessinée américaine s'était pas encore déployée tout à fait dans toutes les directions et tous les genres, et qu'il y avait une espèce de tyrannie de la BD de super-héros. Mazzucchelli s'est fait connaître dans ce cadre-là, mais après ça, il nous a offert des trucs étonnants dans des styles tellement différents, et au point que sa dernière publication, qui est sortie il y a une couple d'années à peine, c'est une espèce d'ovni qui ressemble à rien. Pour ce qui est de Craig Thompson, c'est un bon représentant, je trouve, de la mouvance des récits intimistes. Mais on a qu'à dire Blankets, je pense, pour lui. Oui, ben, il y a Blankets et puis l'espèce de pavé qu'il a publié après coup, là, qui est une somme de travail incroyable et qui s'appelle Habibi. C'est vraiment un auteur majeur. Avec quelques publications à peine, il est devenu incontournable. Ben, Michel Giguère, on t'entend là-dessus et sur les autres titres dans le détail avec des planches mercredi prochain, c'est à 19h, c'est à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et nous, on se dit à mercredi et au mois prochain. Sans faute. Salut bien. Salut Raymond. Alors voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est l'émission Soul Finger qui prend la relève. C'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce vendredi.